Stomp. Et on en parle avec Alain Boyashi, le producteur français de cette troupe qui sera dans le 8-9 dans quelques instants sur Viva. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour BAM 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Bonjour tout le monde, commençons par l'événement de la journée. Nathalie Servette, mais, écoutez, oh, mais oui, mais là, mais vraiment. Oh. Et en orange, diversité jusqu'au bout des ondes. Eh ben, Nathalie, pour vous récompenser de ce bel effort, vous avez droit à un relook gratuit de 10 secondes par David Jean. En tout cas, Nathalie, elle était impeccable. Ici, elle est revenue de vacances, elle a son teint allé, elle a sa coupe au carré un peu méchée, donc avec une racine légèrement lumineuse. Et donc, elle est vraiment parfaite. Ça vous va? Et j'aurais mis une petite veste pour être plus sérieux pour le journalisme, c'est tout. Ah, il y a une faute. Une petite veste. Crème. Bon, la prochaine fois. C'est l'indécent. Ah. Sinon, c'est parfait. Bon, vous n'aurez droit à rien, Sarah de Padua. Ça me donne envie de crème glacée maintenant. Elle est déjà parfaite, glace. Sarah. Ah. Jérôme, vous n'aurez droit à aucun relooking non plus. Non, vous savez, je n'attends rien de la vie, moi. Si ce n'est une météo, permettez-moi de vous offrir ça. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Allez Denis, en présence d'une bonne élève qui aujourd'hui a fait un effort et ce sera noté dans son bulletin. Bravo ouais, Nathalie, continue sur ta lancée. Alors. Allez Nathalie, on y croit, tout est possible, tout est réalisable. Allez, aujourd'hui, en tout cas, il fait frais ce matin et vous devrez quand même vous habiller chaudement, mais le soleil va se montrer généreux, même si déjà actuellement, quelques nuages d'altitude arrivent sur l'ouest et le centre du pays. Ça viendra un petit peu atténuer l'impression lumineuse au fil des heures, mais ça n'empêchera pas le temps de rester sec. On attend 17 à 22 degrés. Demain, ce sera plus nuageux avec un risque d'une petite averse. Et puis samedi, on reparlera soleil et grande douceur. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, il y a 6 mois, 3 kamikazes se faisaient exploser à Bruxelles. Des attentats qui ont fait 32 morts et 350 blessés. Des blessés toujours très marqués aujourd'hui par l'horreur qu'ils ont vécue. Il y a des personnes qui n'ont plus osé sortir de chez elles, par exemple. Certains de nos professionnels ont accompagné une personne pour une première visite dans le métro. 6 mois après les attentats, le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, estime que la population belge est plus forte. Nous l'entendrons. Un service citoyen fait son apparition en Wallonie. Dès lundi et pendant 6 mois, 20 jeunes seront au service de la population. Un Belge sur 5 passe plus de 7 heures assis devant son bureau. Un manque d'activité physique qui peut entraîner des problèmes cardiovasculaires et des douleurs au dos. Secoue-toi et n'attends pas la cigogne. C'est l'un des slogans d'une campagne publicitaire en Italie pour inciter les femmes à faire des bébés. Le gouvernement italien a déclaré ce jeudi jour de fertilité. La honte pour le Standard. Les Liégeois ont été éliminés de la Coupe de Belgique par un club d'amateurs. C'était donc il y a 6 mois, les attentats de Bruxelles. Oui, 7h58, l'aéroport de Zaventem, 9h11, le métro de Malbec. 2 lieux, 3 kamikazes qui se sont fait exploser. 32 personnes ont perdu la vie dans ces attentats. 350 ont été blessées. Aujourd'hui, ces blessés, une seule personne est encore hospitalisée. Et pour les autres, ce sont encore des soins et surtout une aide psychologique. Patrick Michel. Près de 4000 jours d'hospitalisation, un chiffre qui aide à mesurer l'ampleur des souffrances. Mais à côté des blessures physiques, il y a aussi les séquelles psychologiques, moins visibles mais plus insidieuses. Cécile Place travaille dans un service d'aide aux victimes, elle a vu les demandes affluer. C'est une première écoute et puis c'est vraiment tout un travail autour du vécu traumatique. Et je dirais le travail du psychologue, c'est vraiment de restaurer les défenses psychologiques de la personne. Les suivis individuels sont adaptés au cas par cas, ils durent de quelques semaines à plusieurs mois. Il y a des personnes qui n'ont plus osé sortir de chez elles, par exemple. Certains de nos professionnels ont accompagné une personne pour l'aider pour une première visite dans le métro. Il y a aussi des groupes de parole. 4 à 5 personnes sont alors invitées à partager leur vécu. Donc c'est vraiment important pour chacun de reconstituer un puzzle, en fait, aussi sur ce qui s'est passé. Ça aide aussi à dépasser le traumatisme, ça. Petit à petit, c'est alors la confiance qui revient, une étape indispensable pour se réinsérer au travail et progressivement tourner la page. En 6 mois, l'enquête sur les attentats a progressé. 8 personnes sont sous les verrous. 2 directement impliquées dans les attaques. Mohamed Abreni, l'homme au chapeau de Zaventem, et Osama Krayem, l'homme du métro Pétillon. Tous deux affirment avoir renoncé au dernier moment à participer aux attentats. Les 6 autres inculpés sont soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique en louant des planques, par exemple. 6 mois plus tard, quel bilan tirer de ces attentats? Comment réagit la population belge? Pour le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, notre société en est ressortie plus forte. L'agenda des terroristes est de déstabiliser notre société. Mais je vois le contraire. Je vois, après les attentats, que les gens se rassemblent, qu'on dit on va s'opposer contre ces terroristes aussi intellectuellement. Et donc, ils n'ont aucun impact sur notre société. Certainement pas un impact négatif. Au contraire. Je vois aussi pendant l'été, par exemple, tous les festivals avec beaucoup de gens. On sait que la menace est sur les soft targets, qu'on appelle les soft target, donc là où beaucoup de gens se rassemblent, mais on a pris des mesures de sécurité beaucoup, beaucoup plus strictes, mais c'est accepté par les gens. Pour moi, quelque chose qui est très, très bien, que les gens n'adaptent pas leur agenda aux attentats, mais qu'ils sont attentifs et qu'ils suivent les recommandations des services de sécurité. Yann Yambon, le ministre de l'Intérieur, a interrogé ce matin par Bertrand N dans Matin Première. Les directeurs du réseau libre en ont ras-le-bol. 100 d'entre eux lancent un cri d'alarme dans une lettre ouverte. Si le pacte d'excellence prône plus d'autonomie pour les directeurs scolaires, sur le terrain, c'est tout le contraire. Ces directeurs étouffent sous les règles administratives, des règles qui les empêchent de mieux accompagner les élèves. Votre ado est-il un élève discipliné? Si oui, il pourrait recevoir un certificat ado.p. A pour attitude au travail, D pour discipline, O pour ordre et P pour ponctualité. C'est l'idée d'un député wallon, le MR Laurent Anquier. Selon lui, cette attestation pourrait être très utile après sur le marché du travail. C'est un bon signal, dit-il, pour les futurs employeurs. Info à lire dans La Libre. Et on en reparlera dans C'est vous qui le dites tout à l'heure à 9h. Des jeunes au service de la population en Wallonie. Et à partir de lundi, 20 jeunes wallons vont effectuer un service citoyen, un service qui existe déjà à Bruxelles, mais qui est nouveau en Wallonie. Pendant 6 mois, ces jeunes vont se mettre au service des personnes âgées, des handicapés, des clubs de sport ou encore d'institutions culturelles. Nathalie Vaninis, coordinatrice de la plateforme Service Citoyen en Wallonie, explique quel est l'objectif de cette démarche. L'objectif de la plateforme, à terme, c'est d'obtenir une loi qui permette la reconnaissance des jeunes en service citoyen. Et l'idée, c'est de la voter au niveau fédéral. Ce n'est ni un emploi, ni un stage. Ici, les jeunes, ils viennent d'abord parce qu'ils ont besoin, à un moment donné, de se rendre utiles. Donc, on est vraiment dans un win-win. Ils ne remplacent personne, ils viennent juste peut-être apporter un petit plus avec leurs compétences. On ne met pas de pression, même si on demande à ce qu'ils soient présents. Ils vont signer une charte en disant qu'ils soient présents, mais on ne met pas de pression, mais pas d'objectif vraiment concret à attendre. Donc voilà, ils apportent simplement un petit plus, quelque chose que l'organisation d'accueil ne développerait pas. Par exemple, dans les maisons de repos, on a un jeune qui va aller en mission dans une maison à Ciné, et lui, sa mission, ça va être de passer dans les chambres, discuter avec les résidents, faire des arbres généalogiques, les accompagner dans le jardin potager parce que les équipes médicales n'ont jamais le temps. Et donc c'est vraiment voilà, un simple petit plus et on veut vraiment mettre l'accent aussi sur la relation, l'humain. Une bataille d'experts, c'est ce qui s'annonce aujourd'hui au procès de Bernard Westphal aux Assises du Hainaut. Cet après-midi, experts et contre-experts psychiatriques et médicaux vont confronter leur point de vue. Ce matin sera diffusé l'enregistrement de la conversation entre Véronique Piroton et son amant. Un enregistrement qui met à mal la thèse du suicide. Au chapitre politique, la NVA est en état de crise. Oui, 2 députés ont quitté le parti nationaliste. Hendrik Veuille et Verle Wouters claquent la porte. Ils estiment que la stratégie choisie par Bart De Wever ne défend plus assez le nationalisme flamand. Alors, c'est sans doute Philippe Valkoviak, un premier sérieux revers pour Bart De Wever. Oui, en effet, Nathalie, en seulement plus de 10 ans d'existence, l'NVA n'avait connu que le succès, devenant le premier parti du pays. Bart De Wever en est devenu le président autoritaire, imposant ses choix. Et la semaine dernière, il évoquait la possibilité d'un nouveau gouvernement de droite après les prochaines élections 2019, et donc sans nouvelles avancées vers l'indépendance de la Flandre. Il a sanctionné les 2 députés qui le critiquaient. Ceux-ci préfèrent donc le quitter, soutenu qui plus est par pratiquement l'ensemble du mouvement flamand, pour qui Bart De Wever préfère désormais une Belgique à droite plutôt qu'une Flandre indépendante. Alors Philippe, ces 2 députés pourraient créer un nouveau parti nationaliste flamand. Cette menace risque-t-elle d'avoir des répercussions sur la NVA et le gouvernement Michel ? Oui, Bart De Wever s'est fâché durablement, sans doute, avec le mouvement flamand, qui n'aura de cesse de répéter qu'il a lâché la Flandre au profit de la Belgique. La NVA se veut désormais un parti de droite populaire. Le courant nationaliste en Flandre reste minoritaire, certes, mais très actif. Et puis au fédéral, la NVA blessée sera plus intransigeante sur le plan communautaire. Lors des toutes prochaines discussions budgétaires, elle pourrait aussi remettre en avant des économies dans la sécurité sociale. À coup sûr, Nathalie, l'affaire laissera des traces et pas seulement à la NVA. Merci Philippe Valkovec pour ces explications. Il est 8h08, c'est l'heure maintenant de faire un peu d'exercice, Nathalie. Ben oui Benjamin, parce que nous ne bougeons pas assez, c'est l'Observatoire de la Santé du Hainaut qui nous le dit. Un Wallon sur deux seulement pratique une activité physique modérée, mais surtout nous sommes trop souvent assis entre les transports, la télé, l'ordinateur et le boulot. Nous ne pensons pas assez à nous lever. Et Isabelle Pamitessa, c'est surtout vrai pour ceux qui travaillent derrière un bureau. Pour en être certain, nous avons posé la question à quelques employés de bureau. Combien d'heures par jour restez-vous assis ? 7 heures au travail. 8 heures. Plus de 7 heures. Au bureau ? 8-9 heures. Comme ces personnes, 18% des Belges déclarent rester assis plus de 7h30 par jour. Conséquence ? J'ai un peu grossi. Je ressens que j'ai quand même des douleurs dans le dos. Le docteur Kambiz Minoui, spécialiste de médecine physique au centre hospitalier Épicure à Beaudour, évoque les problèmes qu'entraîne la position assise prolongée. Le fait de ne pas bouger suffisamment, vous avez tendance à favoriser les maladies cardiovasculaires. Et d'autre part, vous induisez des problèmes de statique de la colonne vertébrale essentiellement, en modifiant la tension des muscles. Quelques rares entreprises proposent bien des réunions debout ou des bureaux modulables. Alterner les positions assises et debout, faire quelques pas, c'est l'idéal. Mais combien de temps par heure ? Je pense que chaque personne a sa tolérance par rapport à la position assise. Je pense qu'il serait un peu malvenu de rester avec une latte au-dessus de quelqu'un en lui demandant de se lever tous les X minutes. Mais je pense qu'il faut aménager son environnement de travail, son espace de travail, de façon à ce que tout ne soit pas trop à portée de main non plus. À ces recommandations s'ajoute le conseil classique, marcher, bouger, transpirer plusieurs heures par semaine, d'autant plus vrai quand on a un boulot sédentaire. Et on est assis depuis très longtemps ce matin, effectivement. C'est un jeudi très spécial en Italie, c'est le premier Fertility Day. Oui, la journée de la fertilité. Des séances informatives sont organisées dans plusieurs villes italiennes pour inciter la population à faire des enfants. Il s'agit d'une initiative du gouvernement, mais la campagne publicitaire pour cette journée de la fertilité a suscité pas mal de polémiques. On voit ça avec notre correspondante en Italie, Valérie Dupont. Ce coutois n'attend pas la cigogne ou encore la beauté n'a pas d'âge, la fécondité si. Voilà plusieurs semaines que la campagne du gouvernement pour promouvoir la première journée de la fertilité agite l'Italie. Une campagne maladroite qui a fait bondir de nombreuses femmes, notamment Teresa Bartolini, la rédactrice en chef de Noi Donne, le plus vieux magazine féministe d'Italie. On parle à nouveau de la femme reproductrice, comme les fascistes, proposée comme mère, dans son rôle unique et prévalent de la maternité. Avec un taux de 1,34 enfants par femme, l'Italie est la lanterne rouge de la fécondité. De plus, les Italiennes sont les mères les plus âgées d'Europe avec un âge moyen de plus de 30 ans à la naissance de leur premier enfant, souvent à cause d'un manque de stabilité professionnelle. La problématique est réelle, disent les experts. Professeur Andrea Lenzi de l'Université de La Sapienza. Le plus grand défi est de réussir à convaincre les générations des années 2000 pour qu'en 2025, ces mêmes générations se décident à faire des enfants à 25 ans et non plus à 30 ans. La ministre de la Santé, elle-même devenue mère de jumeaux à plus de 45 ans, s'est vue contrainte de retirer sa campagne tout en maintenant le Fertility Day. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, s'est plutôt montré sceptique. Selon lui, aucun de ses amis n'a fondé une famille après une campagne publicitaire. Aux États-Unis, l'état d'urgence a été décrété en Caroline du Nord après une nouvelle nuit de violence dans la ville de Charlotte. Un manifestant a été blessé par balle lors de violences entre civils. Il s'agit de la deuxième nuit de protestation dans cette ville après le décès d'un homme noir tué par la police. 8h12, 8-9 sport et la Coupe de Belgique qui a déjà perdu son tenant du titre. Oui, vainqueur l'an dernier, le Standard quitte la compétition dès son entrée en lice en 16e de finale. Défaite 2-1 à Gael, Jérôme Elguersin. Gael, c'est un club de D1 amateur, notre ancienne division 3. Le Marcoir affichait déjà 2-0 après la première période. Les Liégeois ont couru derrière le score et ne l'ont jamais rattrapé. La mentalité et la volonté n'étaient pas là. Comble de l'histoire, le héros de la soirée est malgré tout un Liégeois. Lucas Damblon, 20 ans, est formé à Sprimont-Comblain. Il a marqué les deux buts de Gael. On savait qu'ils allaient mettre une énorme pression, on savait qu'ils allaient avoir la possession. Et tout ce qu'on demandait, c'est d'avoir bloc médian et de jouer les contre-attaques. Donc c'est tout ce qu'on a fait et tout était bien rempli. On a eu 4 actions, 4 contre-attaques ou truc du genre. Et on a mis 2 goals, donc tout était bénef pour nous. Le Standard, c'est un peu le club de votre cœur en tant que Liégeois ou pas? En tant que Liégeois, c'est vrai que c'est le top dans la région, mais de cœur, non. Non. Je ne suis supporter d'aucun club. Et Lucas Damblon, double buteur face au Standard, interrogé par Thierry Luther. Et ça passe par contre pour Anderlecht, mais le strict minimum pour les Mauves. Un seul petit but de Harbaoui pour éliminer OHL. Anderlecht a même joué la dernière demi-heure à 10 après l'exclusion de Dundonker. L'entraîneur René Weiler a fait tourner le noyau, mais pour les Bruxellois, la coupe reste un objectif. Massimo Bruno, ailier du Sporting. Il faut penser à tous les objectifs, on ne va pas négliger un. Même si on change quelques joueurs, ça reste un objectif de gagner le match. De toute façon, donc on va rien négliger jusqu'à la fin, je pense. On a essayé de jouer de la même manière que la première mi-temps. Il a mis Annie en deuxième période pour avoir encore un peu plus de créativité dans le milieu. Et oui, on a eu beaucoup plus d'espace. Donc après Louvain aussi, on fait le boulot en première mi-temps. Et puis ils ont aussi un petit peu descendu en deuxième mi-temps. Et on s'est créé plus d'occasions, c'est sûr. Donc oui, c'est le minimum aujourd'hui. Interview Éric Libois. Charleroi a lui plutôt fait dans le maximum. Victoire 5-0 contre Bocholt. Qualification aussi pour Eupen, Tubize et les grands clubs de D1. Les huitièmes de finale de la Coupe se joueront le 30 novembre avec une toute grosse affiche entre Charleroi et Anderlecht. Merci Jérôme. Un accueil chaleureux et des applaudissements pour le retour des athlètes paralympiques belges. Notre délégation belge s'est 11 médaillés rentrés hier soir du Brésil. Des sportifs agréablement surpris par la centaine de personnes présentes pour les féliciter. On écoute la cavalière Michèle Georges, double médaille à Rio. Quel accueil après 3 semaines, voir tout ce monde, parce qu'on est à Rio, bon, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en Belgique, donc on est dans une sorte de bulle, et rentrant en Belgique, allez, en voyant ça, c'est vraiment c'est fantastique. Je vais d'abord profiter un peu de mes enfants et de ma petite famille, et puis après, tout de suite, je fonce, et oui, j'ai l'esprit pour Tokyo, ça c'est clair. Une interview signée Samy Grimberg. Bon, alors j'ai retenu le journal qu'on restait assis plus de 7 heures par jour. David, vous en êtes à combien déjà? Ça dépend en fait. Des fois, je suis une journée complète debout. Et couché? Des fois, je peux être couché 10 heures ou assis 10 heures. Ah, oui. Donc. Oui. Et on les connaît? Non, je suis tout seul. Ok, vous restez couché combien de temps par jour, Sarah? Très peu, et très peu assise aussi. Très peu assise aussi, ouais. C'est pour ça que vous êtes fit, vous êtes parfaite. Peut-être. Ouais. Tournez-vous un peu? Vous êtes parfaite. Et des hanches. Insolente. De dos, peut-être. De dos, vous êtes. Et de loin, vous êtes. Oh là là. 8h15, cactus. Jérôme, l'actualité de ce matin est centrée comme les autres jours sur la même affaire, c'est le cactus. Oui, bonjour, une Anderlecht a le mâle, a le femelle, a tous les autres. Vous le savez, l'actualité de ces derniers jours ne tourne plus qu'autour d'une seule personne. Et j'aimerais ce matin manifester un peu d'empathie envers cet homme, traîné dans la boue par la presse, accusé de tous les maux, sujet à des accès de colère, traité d'alcoolique et dont la relation avec son époux se termine tragiquement devant les tribunaux. Alors, je voudrais lui apporter mon soutien et lui dire « Courage, Brad Pitt. » Mais le respect et la dignité ont-ils un sens pour vous, David Jean Motte? Oui. Angelina et Brad, le couple phare et emblématique de la dernière décennie, après celui formé par Caroline Fontenot et Stéphane Powells, bien sûr, vient donc de voler en éclats, laissant l'acteur emblématique dans le désarroi le plus total. Lui qui, depuis la mastectomie de son épouse, ne savait déjà plus à quel sein se vouer. Si l'on ne connaît pas exactement... si l'on ne connaît pas exactement les causes du divorce, il est quand même étonnant de relever que l'annonce intervient au moment précis où François Hollande est aux États-Unis. À l'heure actuelle, rien ne permet de donner corps à cette folle rumeur, mais plusieurs témoins ont affirmé avoir vu quelqu'un rentrer dans la propriété d'Angelina Jolie en Vespa et casqué. Et en ressortir, la cravate de travers, les lunettes embuées, un homme de gauche, qui a prononcé ces mots en direction de la fenêtre de la chambre d'Angelina. Merci pour ce moment. Il est dans tous les coups, hein, Hollande. Interrogé par la presse, Brad Pitt a simplement déclaré qu'il s'en tamponnait le cotillard. Angelina Jolie désire la garde exclusive des enfants. Sans doute Brad va-t-il la lui accorder. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'élever la moitié de la population du Malawi. Sans transition aucune, mais je vous l'accorde.

Chérie, non. Arrête ça tout de suite. C'est super bon. Excellent. Oh, c'est pareil tous les dimanches. Non. Repose-le maintenant. Encore une page. Allez, juste une. Cet dimanche, votre journal riche en infos croustillantes, actu, people, résultats sportifs et tous les bons plans évasion du dimanche. Gratuit en boulangerie et commerce de proximité. Cet dimanche, le journal qui se dévore. En ce moment, chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi ? Il y a un château aussi ? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/Kortenberg. Avec de vraies informations, la tarte au riz vivra, puisque l'AFSCA, sous l'influence du ministre Borsu, autorise désormais la tarte au riz pendant 12 heures à l'air libre à 20 degrés. Voilà pourquoi, David, vous devrez relooker. Je vais le relooker, je vais justement parler des personnes qui ont le visage rond. Ouais, vous avez vu cette très belle photo de Willy Borsu qui fait sa conférence de presse hier dans une boulangerie. Vous avez vu, Jérôme, il est délicieux. La tarte au riz tabac, on en viendra tous à bout. Bien sûr. Eh bien non, car la tarte au riz vivra. Et puis ensuite, le petit nouveau qui présentera le JT. C'est Laurent Mathieu. Ouais. Qui a 31 ans, et donc on va bien parler de son style parce qu'il est un peu gasoual, comme ça, c'est sympa. Il est très bien, il est quoi ? Il est très gasoual. Gasoual. Gasoual. C'est entre le classique et le sportif. Ah, okay. Casual. Gasoual. Oui, gasoual, vous voyez. Mais, gasoual, c'est un peu le moteur. Ouais. C'est un peu moteur. Nathalie, vous êtes tellement gasoual, vous, c'est incroyable. Gasoual. Inscrivez-vous au Kikadi tout à l'heure, si il vous voulez. Il est sans plomb, lui. C'est clair. Inscrivez-vous au Kikadi 3063 SMS, vous indiquez « Je veux jouer », nom, prénom, coordonnées complètes, et vous viendrez identifier une citation tout à l'heure avec un cadeau, un mot à imposer à Jean-Luc Fonck. Que vous soyez gasoual ou pas, vous êtes les bienvenus comme vous êtes. Si. 8h25, le Zap Télé avec télépro.be et des nouvelles de DSK, ça faisait longtemps. Oui, c'était dans Quotidien hier, la nouvelle émission qui cartonne de Yann Barthès, un petit peu le nouveau petit journal qui cartonne, et DSK qui était en Ukraine, et une équipe de Quotidien était là en Ukraine dans le point presse. Alors c'est un journaliste qui lui demande « Ça va Dominique Strauss-Kahn, vous allez bien ? Ça fait longtemps qu'on vous a plus vu, c'est vrai que après le Sofitel, ça fait un petit temps qu'on l'a pas vu dans la presse. » Oui, oui. Et donc il dit « Ah, continuez à pas me voir. » Et le journaliste insiste, mais il est très poli, « Tiens, la présidentielle française, est-ce que ça vous intéresse ? Continuez à pas me voir. » Et puis DSK s'arrête, il prend le micro, vraiment, il prend le micro, il enlève la petite mousse autour du micro, hein, et puis il le regarde en disant « je vais le faire », et il le fait, il jette le micro loin derrière, et puis hop, la pommette d'un autre côté, et puis il s'en va comme ça, digne, très droit, en disant, et il prend peut-être presque sa femme par le bras, ouais, et il s'en va, et on le voit s'éloigner comme ça au loin, genre, ouais, donc il a pas été brutal, quoi. Il a fait ça de gentleman, il a jeté avec élégance. Oh, il a quand même jeté, et en plus, le micro était ouvert, forcément c'est un micro, et donc on entend le... Attendez, au sol, il a quand même jeté, je veux dire, il y a 3-4 mètres voilà, derrière lui, sans regarder, donc il aurait pu blesser quelqu'un. Alors, deux questions à une journaliste que vous êtes. Nathalie Servet, première question. Est-ce que c'est votre genre d'homme d'aborder SK ? Non, c'est en tant que journaliste. Mais non, la vraie question, donc, le gars prend le micro et il jette. C'est désagréable ou c'est, ça fait c'est partie du jeu ? C'est perturbant, hein. Ça fait partie du jeu. Bah, oui, peut-être dans ce cadre de l'interview où on titille beaucoup. Oui. Ouais. Vous l'auriez fait, David, prendre le truc, balancer ? Oui, si c'est un moment où j'aurais pas voulu. Oui, ça s'est passé dans un point presse, hein. C'est pas la sortie d'un hôtel ou à la sortie d'un taxi. Il est là lors d'une conférence en Ukraine. Mais c'est ça qui est très chouette. Mais alors, ça fait partie du spectacle. Ouais. Puis vous avez l'air de prendre des exemples quand même. Vous dites, c'était pas la sortie d'un hôtel. Non. Sous-entendu. Bientôt vous direz, il sortait juste de sa douche. Et le côté continue à pas me voir, je trouve ça un peu excellent, non ? C'est quand prend sa douche, il est plutôt un peu chaud. Ouais. Non, c'était un hasard total. Il a glissé. Il a glissé. J'étais là, tu étais là. Nous étions là. Et voilà, ça arrive. Bref, on a des nouvelles de DSK, vous savez que son ex-femme qui s'appelle Anne Sinclair cartonne en ce moment à Liège. Citoyenne d'honneur de la ville de Liège. Exactement, et son expo à la Boverie cartonne, on ne parle que d'elle en ce moment dans le pays liégeois. Le rappel des titres dans un instant. Vive à Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Le 8-9 continue dans un instant avec Benjamin Maréchal.

Je ne dirais pas que c'est difficile, seulement c'est une page qu'on ne pourra jamais entièrement tourner, parce que, voilà, ça a eu lieu. En même temps, par exemple, voilà, c'est un attentat qui a eu lieu dans le métro. Le métro fête ses 40 ans cette année-ci, le métro va fêter ses 40 ans aussi. Mais cet événement trouve sa place là-dedans, que la vie continue. Des propos recueillis donc ce matin par Pierre Vandenbulk. La vie continue à Bruxelles, mais continue-t-elle de la même manière? Le secteur de l'Horeca dans le centre-ville est toujours à la peine. Les attentats ne sont pas les seuls responsables, mais le public boude toujours le Pentagone et préfère rester ou se rendre dans d'autres coins de la région. Les touristes, eux, semblent avoir mis la destination de Bruxelles entre parenthèses. Miguel Van Kersbilk est tout à la fois président de l'association Belgian Restaurant de l'ISEO, une association de commerçants. Roland Brunel l'a interrogé. C'est toujours la conséquence des quatre événements qui ont affecté le cœur de Bruxelles. Les travaux du piétonnier, le lockdown de novembre, puis les attentats malheureusement du 22 mars, et les soucis de mobilité liés aux fermetures des tunnels. Mais ce qui nous inquiète fondamentalement, c'est que cette désaffection s'installe dans la durée, alors même que les causes ont largement disparu. Puisque aujourd'hui, on constate qu'on circule mieux vers le centre-ville depuis la réouverture des tunnels, notamment le tunnel Louise. On constate qu'il y a des possibilités de parking, même s'ils ne sont pas toujours bien indiqués. On constate que la sécurité est renforcée. Donc tout ça devrait encourager le retour vers le cœur de la ville. Mais malheureusement, une habitude a été perdue et c'est très difficile de recréer la pratique d'aller au cœur de la ville pour ses achats et ses loisirs. Et les touristes dits de loisirs ne viennent pas à Bruxelles non plus. C'est ce que nos collègues du secteur hôtelier mesurent en effet. Le tourisme de loisirs n'est pas encore revenu à son niveau habituel et évidemment ça a des conséquences en cascade sur le commerce et les restaurants. Une réglementation bruxelloise interdit à la STIB d'acheter des bus au diesel au-delà du 1er janvier 2015. Des parlementaires ont toutefois tenté de modifier ce texte afin de permettre à la STIB d'acheter des bus hybrides, diesel et électriques. Mais le Conseil d'État les a rappelés à l'ordre, Philippe Carlo. Comment concilier la nécessité pour la STIB d'augmenter sa flotte de bus avec l'interdiction de commander des véhicules propulsés en tout ou en partie au diesel? Le marché du bus électrique est balbutiant et ne peut répondre aux besoins. Il reste alors les bus au gaz, mais la STIB et son ministre de tutelle, Pascal Smet, ont écarté cette option, qualifiée de sans avenir. Reste donc des véhicules hybrides, mi-diesel, mi-électrique, mais c'est contraire au COBRAS, le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie. Des parlementaires de la majorité ont donc imaginer de légaliser l'achat par la STIB de véhicules hybrides avec effet rétroactif au 1er janvier 2015. Halte là, pas d'effet rétroactif, objecte le Conseil d'État dans son avis. Est-ce de nature à invalider l'option bus hybride et à réhabiliter le bus au gaz? Pas du tout, dit-on du côté du gouvernement. Il suffit de postposer la date d'entrée en vigueur de l'interdiction des bus au diesel, du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2020 par exemple, ou plus tard encore, le temps que les bus électriques soient enfin disponibles sur le marché. En football, je vous rappelle la victoire d'Anderlecht en 16e de finale de la Coupe de Belgique, 1-0 face à Odeverley-Louvain. Le coach a pas mal changé son équipe, il a notamment aligné Frank Boeks dans les goals, on l'écoute. Oui, je pense que le match n'était pas très bien commencé, mais ouais, à la deuxième mi-temps, on a plus créé, on a plus fait, plus de trucs en avant, et maintenant on a gagné 1-0, mais pour le reste, on n'a pas beaucoup dire de ce match. Et vous sauvez la qualification presque, hein ? Sans vous, c'est 0. Hein. Ouais, ok, mais je suis là pour faire ça, donc c'est mon boulot, je pense. Je suis content pour le match et pour l'équipe qu'on a. On a gagné 7 matchs avec 1-0 pour nous, donc c'est bien. Le deal, c'est que vous jouez la Coupe jusqu'au bout ? Non, on n'a pas dit ça juste maintenant, mais on va voir. Comme le coach peut décider chaque semaine, donc c'est à lui de dire. Il y a moyen d'avoir de l'ambition dans votre position ? C'est compliqué, c'est un petit peu ambigu comme position. Non, non, j'ai d'ambition, mais je la garde pour moi-même, donc je ne vais pas dire qu'est-ce qu'est mon ambition. Moi, je suis ici pour aider le club quand ils ont besoin, donc ça c'est tout. À 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. D'abord, deux policiers belges arrêtés en France parce qu'ils déposaient à la frontière, mais côté français, des migrants qu'ils avaient arrêtés le matin même en Belgique. Est-ce que c'est la bonne méthode, franchement? Contrairement à ce que voulait l'AFSCA, la tarte au riz de Verviers peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés. Le ministre Willy Borsu a-t-il humilié l'AFSCA en lançant des analyses qui ont donc donné tort à l'agence? Et puis un député wallon veut mettre en place une attestation qui prouve que l'élève, du professionnel ou du technique, a un bon comportement et une bonne attitude. Est-ce que les employeurs ont besoin de ça? Un certificat? Vous êtes déjà au standard, Marion Jomotte. Oui, et un seul numéro de téléphone pour joindre le standard de C'est vous qui le dites, le 0 70 233 466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. N'oubliez pas la page Facebook. RTP. On s'enroule à 8h37, on va voir ça avec Serge, notre motard Europe Assistance. Alors Serge, apparemment il y a un souci du côté du tunnel Léopold 2. Écoutez, je viens de l'apprendre comme vous, on aura un souci technique dont je ne connais pas la nature et le tunnel Léopold 2 serait donc fermé dans les deux sens. Là, pour l'instant, je suis en route, je suis à 10 minutes de là, donc je vous en dirai plus, je le ferai en tout cas savoir tout à l'heure ce qu'il en est, mais sachez que si vous pouvez éviter la petite ceinture, ben faites-le, hein, puisque ça, le tunnel Léopold 2, c'est quand même un tunnel très fréquenté. Alors sinon, à part ça, on n'a pas trop de soucis, on a des fils habituels sur les autoroutes et sur le ring, vous perdez entre 20 et 30 minutes sur les plus longs tronçons. Merci beaucoup, prudence hein, Serge sur la moto, on vous retrouvera tout à l'heure dans l'aller-retour bruxellois, ce sera dès 15h sur Vivacité. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire? Parce que moi, ce mois-ci avec la rentrée, je peux pas. Hein, les fournitures, le cartable. C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficacureurs. Conditions sur etias.be. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandeaux, doyennés du Comice, conférences et conférences bio. Mmh. Et leur prix? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Le 8-9. Inscrivez-vous au Kikadi si vous voulez faire partie de la conversation ce matin. Je veux jouer, nom, prénom. Pas sûr. Quoi? Je veux, non, la conversation qui est audible, pas celle que nous avons quand la réclame fait son œuvre. 3063 SMS, je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. On vous appelle tout à l'heure. Le relook de ce matin, qui David? Alors, on va faire notre ministre fédéral, monsieur Borsu-Willy. Oui, qui a donné raison à tous les défenseurs de la Tartorie, qui vivra donc à l'air libre à 20 degrés. Et moi je dis chapeau Willy. C'est si bon. Voilà, merci Willy. Ensuite, le petit nouveau le du petit JT. Nouveau, donc c'est Laurent Mathieu qui va s'occuper donc du JT, hein, qui a été sélectionné, donc qui a 31 ans, avec son style... Casual. C'est bien ça. Dites-le en anglais, parce qu'on ne comprend pas sinon. C'est un style casual. Chic décontracté. Oui, voilà. En anglais, c'est casual. Et même, il y a un petit côté aussi aventurier comme ça dans les reportages, que j'ai trouvé très sympa. Ah, il roucoule. Il va désir. Laurent, nous en parlerons tout à l'heure. 8h40, pour une fois, allons au spectacle. Le spectacle Stomp arrive au Forum de Liège les 22-23 novembre et les 25, 26, 27 novembre au Cirque Royal. C'est un spectacle événement parce que ce truc cartonne en Angleterre depuis des années. Et cette troupe qui joue de la musique, non pas avec des instruments, mais avec des poubelles, avec des balais, avec tout ce qui passe, était déjà venue il y a une quinzaine d'années en Belgique. Sarah, vous les aviez vus il y a une quinzaine d'années. Oui, et en général, j'oublie les spectacles et celui-là, je m'en souviens. C'est vraiment très très marquant, c'est magnifique, on croit que c'est toujours le même rythme, etc. Mais c'est un vrai spectacle en soi, c'est magnifique. C'est le producteur de la troupe qui est en ligne avec nous ce matin. Alain Boyassi, bonjour. Oui, bonjour. On va essayer de comprendre parce que certains n'ont pas vu il y a 15 ans. Sur scène, qu'est-ce qu'on voit? C'est des percussions, mais fait avec quel genre d'instrument? C'est des percussions avec des objets de la vie quotidienne. Ça peut, comme vous le disiez, ça peut être des poubelles, des balais, mais tout ça, on l'a déjà vu des fois par d'autres troupes. Là, par contre, on est dans l'humour, c'est-à-dire qu'on arrive à faire rire les gens avec des attitudes. Ce n'est pas dialoguer, c'est juste, c'est pour ça que c'est international et que ça marche depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, c'est des instruments qui sont complètement différents. Ça peut aller de la petite boîte d'allumettes jusqu'à des tuyaux, jusqu'à même des bananes, jusqu'à le fait de jouer sur soi, avec son propre corps, de jouer avec des gros bidons d'huile. Donc, c'est vraiment très, très, très nombreux au niveau de nombre de non-instruments qu'on peut utiliser. Pourquoi on en parle ce matin? C'est parce qu'il y a une véritable histoire derrière ce spectacle. Vous savez qu'il y a des grands spectacles comme ça qui tournent dans le monde entier, parfois qui s'arrêtent à Las Vegas pendant des années, mais qui continuent à tourner dans le monde. Création, au début des années 90, au début des années 90, cette troupe, cet art-là, il est né où? cette troupe est née par un hasard. C'est-à-dire qu'ils étaient des musiciens de rue, comme on en voit tout le temps. Le batteur en a eu marre de se trimballer avec sa batterie qui était trop lourde. Donc il a décidé de se mettre dans un coin où il y avait un arbre, une poubelle, etc. Et quand le public a vu qu'il y avait un mec qui jouait comme ça sur une batterie de fortune, ils se sont rendus compte, eux, qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Donc ils ont créé un petit spectacle de 20 minutes, un truc totalement expérimental qu'ils ont fait au Festival d'Édimbourg. Il y a un producteur australien qui est venu, qui a dit, si vous me faites une heure et demie, si vous me développez ce petit spectacle de 20 minutes en une heure et demie, je vous fais le tour de l'Australie. Et ça a été comme une traînée de poudre. À partir de là, ça ne s'est jamais arrêté. Et voilà le résultat. 25 années de représentation où il y a pratiquement 4 spectacles dans le monde tous les soirs, puisqu'il y a 4 troupes différentes qui le jouent. Il y a 4 troupes. Est-ce que tous les gars dans le spectacle sont des musiciens, ou il y a des danseurs, des acrobates, des gens qui sont plus dans la performance physique, ou la condition pour en être, c'est d'être musicien à la base ? Non, c'est un melting pot. Vous pouvez avoir un très grand batteur qui ne pourra pas faire ce ton, parce qu'en fait, avant de recevoir 8 semaines d'une initiation à jouer ce ton, personne n'est capable de faire ce ton. Il faut juste une dose de sens du rythme, mais on a des grands batteurs qui ont pu le faire, on a des gens qui n'étaient pas spécialement batteurs, qui étaient comédiens, qui ont pu le faire, d'autres qui étaient danseurs, qui ont pu le faire, et en fait, il n'y a pas de profil idéal pour faire ce tombe. C'est juste avoir le sens du rythme et une certaine personnalité. Après, ce sont les créateurs de ce tombe qui les font partir pendant 8 semaines de travail, et chacun échange avec l'autre. C'est une espèce de communauté comme ça, où l'acteur apprend à l'autre à être drôle, le musicien apprend à l'acteur à jouer un peu de la batterie, de la percussion, et le danseur leur fait voir comment bouger. Ah, donc c'est on apprend sur le tas. Il n'y a pas d'académie exceptionnel. Il n'y a pas d'académie de chariot ou d'académie d'évier, parce que de temps en temps ils jouent sur des éviers, vous verrez ça dans le spectacle. Donc Forum de Liège, 22-23 novembre, Cirque Royal, 25-26-27 novembre. Puisqu'il y a 4 troupes, il y en a une qui est résidente quelque part, à Londres, à Las Vegas, il y en a une qui se pose en permanence quelque part. Il y en a deux, il y en a une à Londres et une à New York. Londres et New York, et donc il y aura un petit peu de Bruxelles. Moi je l'ai belgicisé en pensant à Stomp, mais vous dites Stomp ou vous dites Stomp? Non, on dit Stomp. On dit stomp. Voilà, parce qu'avec stomp, ouais, forcément, je l'avais belgicisé. Vous irez, David, ou c'est pas votre truc? Moi, je dirais rien que pour voir les garçons qui sont super sexy. Donc, les filles, allez-y, parce que ça vaut le coup. Ah, il y a du muscle. Et pas du petit muscle. Et du talent aussi. Et du talent, ouais. Ah, on peut y aller. En plus, c'est drôle. C'est-à-dire, vraiment, il y a des moments quand vous sentez, si vous sortez de la salle, vous entendez les gens, on a l'impression qu'il y a un one-man show sur scène. Donc, c'est vraiment drôle. Ah, c'est drôle et poétique et spectaculaire à la fois. Attendez, nous avons un rigolo autour de la table. Non, mais il y a du vrai humour américain là-dedans. Donc, ouais. Mais c'est monté comme un spectacle drôle. Le rythme est dans l'humour aussi. Donc. C'est de la vraie performance visuelle. On n'est pas habitué à ça, c'est vrai, sur scène. Sarah, vous retournerez 15 ans après. Avec plaisir, ouais. Vous aviez quel âge il y a 15 ans? Mais j'avais 20 ans. Mais je pense que c'était à Londres que je l'avais vu. Mais je revois la petite Sarah se diriger vers la salle. J'avais déjà ma taille. Hein. À 20 ans, on a déjà sa taille adulte. Ah oui, c'est vieux, 20 ans. Vous étiez une vieille tarte déjà. Donc, Stomp en novembre au Forum de Liège au Cirque Royal. Alain Boyassi en est le producteur, parce que tous les autres parlent anglais. Merci d'être passé ce matin dans le 8-9. Mais merci à vous de m'accueillir. Et bonne journée, à bientôt. D'accord. À Bruxelles et à Liège, donc. Dans un instant, qui qu'a dit ? Vous venez de percevoir votre assurance groupe ? Et vous voulez faire fructifier cet argent? Investir? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Mountain bike à la montagne? Oh, c'est calme ici! Ou plonger dans la mer? Oh, c'est calme ici! Lâchez-vous, profitez de votre voyage, Neckermann s'occupe de tout. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 € de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 € ou 129 € par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Besoin de changer vos châssis? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebatti à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Le 8-9. C'est pas évident quand même, hein. Non, mais il faut un instrument aussi. Eh ben, j'ai la table. Oui. Eh ben, prenez votre bic, prenez votre bic. Ça claque pas comme du métal, il faut du métal, je crois. Ok. Regardez. Ça va être comme ça jusqu'à 9h. Il est 8h48. Ok, maintenant un autre morceau. Ah, mais c'était le même. Ça ressemble. Ça ressemble, mais ça n'est pas le même. Mais j'ai fait le bureau en la bémol. Et c'est là qu'on voit que vous n'y connaissez rien. Nous sommes à Hatz. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Vous jouez d'un instrument de musique, vous, ou pas? Oui, de la guitare. Ah, bien. Vous savez faire prendre un enfant par la main? Non. À la guitare. Mais vous savez pas faire un enfant? Mais enfin. Enfin. Ouais, jeux interdits finalement. Et, oui, c'est vrai. Jeux interdits, vous savez? Non. Enfin, et qu'est-ce que vous jouez à la guitare? Mais oui. Qu'est-ce qui reste comme chanson? Sur, principalement Jimi Hendrix. Ah oui, ah oui. Ouais. On passe à autre chose. Du high level. Oui, c'est des trucs faciles. Quand vous ferez du Yves Duteil, vous nous rappellerez, Jérôme. En attendant, guitare. De la vraie. Voici le Kikadi de ce matin. Il y aura un cadeau dans un instant et vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table. Kikadi, j'avais retiré mes disques du commerce, mais je n'ai jamais cessé de tourner. J'avais retiré mes disques du commerce, mais je n'ai jamais cessé de tourner. C'est l'âme qui a dit ça, qui n'a jamais cessé de tourner. C'est Jean-Luc Fong qui a dit ça, qui n'a jamais cessé de tourner. Ou Gérard Lenormand, qui n'a jamais cessé de tourner. Je vais retirer ses disques du commerce. Jérôme, souhaitez-vous l'aide de Jérôme, de David ou de Sarah? De Jérôme. Jérôme qui a la cote depuis 3 jours. Oui, hein, on ne me choisit plus que... Je suis désolé. Voilà, mais c'est un peu normal. C'est la culture. Je fais gagner tout le monde et je pense pouvoir dire qu'il faudrait penser à Gérard Lenormand car nous venons d'en parler et je crois qu'il commence une tournée, justement. Jérôme, vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre? Je vais suivre. Vous suivez, Gérard Lenormand? Bonne réponse. Je suis une bonne pioche. Effectivement, il est dans la tournée à Achtendre et il arrive dans pas longtemps en Belgique, Gérard Lenormand, qui sera notre invité d'ailleurs la semaine prochaine. Le cadeau pour vous, c'est le DVD, vous qui êtes musicien, vous allez adorer ça, de U2, la tournée Innocence. C'est pas mal, c'est pas mal. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc pour le live de vendredi? Manifiesta. Manifiesta? Oui. Pourquoi? C'est un festival où j'ai vu Jean-Luc à Bredene. Ah ben voilà, donc il appréciera. Et vous l'avez trouvé comment, sur scène? Ah super, ouais. Il a un beau chapeau. Et pas vu David sur les plages après. Oui, j'étais en face, moi. Eh ben oui, qu'est-ce que c'est que ce festival, vous m'y faites penser? C'est un festival tout nu? Il y avait entre autres Manu Chao. Tout nu? Non, c'est pas tout nu Fiesta, c'est Manu Fiesta. Ah, mais c'est pas tout nu, Jérôme? Non. Ok, c'est pour être sûr. Donc Manifiesta, c'est noté, c'est vendredi dans la chanson de Jean-Luc Fonck en live. Bonne journée à Hatz, à bientôt. Oui, bonne journée. Dans un instant, il relook l'homme qui a fait gagner la tarte au riz de Verviers. Cuisine Dovi fête ses 36 ans avec 36 journées folles. Maintenant, lave-vaisselle gratuit, pack à induction plus casserole assortie en cadeau. Conditions sur dovi.be. Cuisine Dovi. Nous créons votre cuisine. Nous avons le plaisir de vous inviter au bal de la commune d'Etterbeek le samedi 8 octobre à 19h30 au Centre des Sports. Vous pourrez y redécouvrir les plus grands succès de l'univers rock soul pop repris par Mister Cover. Infos et réservations, bal.etterbeek@gmail.com ou 0478 59 45 63. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Jusqu'à 9h. Le 8-9. Vivacité. Question d'intérêt général. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah oui, j'aime ce jeu. Marc Wilmots a déclaré qu'à son licenciement, il avait ouvert une bouteille de champagne. Quelle en était la marque? Alors, Jean-Michel Biltres propose le champagne demi-sec Lukaku, car de la vie de ses détracteurs, il tourne souvent le dos au brut. Attention. Benoît Ramelot, Sylla Bue et Camille Mpenza, faut suivre l'actualité, chouette et bandon. Voilà. La cuite du jour, Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent. Comment nommeriez-vous le film du box-office narrant cette triste fin? Vous répondez sur la page Facebook du 8-9, bien sûr. Et si vous êtes sur les internets, vous allez sur vivacité.be pour profiter de la revue de presse. Toute l'équipe qui commente ce matin la folle rumeur sur la mort de Jacques Chirac. Vous savez qu'hier, quelqu'un a tweeté sa mort, sauf qu'il n'était pas mort. Pas encore, diront certains, inquiets par son état de santé. C'est sur vivacité.be. Il est pratiquement 8h54. David, relook, on commence. Même si on en avait déjà parlé il y a quelques semaines par Willy Borsu, parce que la photo qu'il nous a livrée hier est magnifique. Donc, il sauve la tarte au riz. On sait désormais que la tarte au riz peut rester 12 heures à l'air libre à 20 degrés, contrairement à ce que disait l'AFSCA. Et la conférence de presse du ministre était dans une boulangerie. Et donc, on voit Willy Borsu très fier dans la boulangerie avec son morceau de tarte au riz, qu'il a l'air content. Et il a bien raison. Il a 54 ans. Il a le visage rond. Attention aux personnes qui ont un visage rond, surtout quand on a un double menton, de toujours faire attention aux chemises. Donc vous pouvez prendre une chemise avec un long col, comme ça, ça va affiner directement donc votre cou si vous le fermez, ou alors directement une chemise avec sans cravate, pour justement éviter d'avoir cet aspect un peu double menton. Col Mao, vous prenez le col Mao pour le double menton? Le col Mao est plus adapté par rapport au cou de Monsieur Borsu, en tout cas. Hein. Ou alors la chemise ouverte. Bon, alors, un peu double peine. De gauche. Tête ronde et double cou. Voilà. Alors attention aussi donc, au niveau de ses cheveux, parce que quand il expose ses cheveux, ça lui fait une petite couronne comme ça, hein, comme une petite couronne comme César à l'époque. Oui, les cheveux dessus. Voilà. Donc c'est très haut. Donc toujours avoir une coupe plus structuré quand on a le visage rond. Ici, comme le dessus, il y a une calvitie, donc on ne peut pas. Donc, c'est simplement affiner les côtés. Et comment avoir une coupe structurée quand on n'a pas de cheveux? Ça, c'est une équation compliquée quand même. Ici, comme il y a une calvitie, il ne sait pas. Mais quand on a un visage rond, comment ça, il ne sait pas? Non, il ne sait pas. Donc, il faut diminuer donc les latérales sur les côtés. Donc, il faut les diminuer. Et augmenter les temporales. Pour éviter donc d'avoir ce côté couronne. Ça lui fait une petite couronne quand il les laisse pousser. Donc, attention à ça. Encore une autre chose, donc, au niveau des vêtements. Donc là, il a un costume donc qui est en matière fluide. Donc ça, c'est très bien. Par contre, le seul bémol, c'est peut-être un petit rappel par rapport à la couleur de la tarte au riz, mais quand on est dans des couleurs froides, on ne met pas une cravate. Comment voulez-vous qu'un mec assortisse sa tenue à une tarte au riz? Mais bah si, elle est la même couleur que la couleur de la tarte au riz. Et quand on met un costume bleu, eh bien, on va mettre une couleur rose, une couleur violine, une couleur froide, mais pas une couleur chaude. Ah oui, vous voulez dire que la cravate qu'il a, et vous irez voir la photo dans la presse, n'est pas en accord avec le elle est brune, le costume, elle est marron clair, voilà. Cette cravate. Oui, mais une tarte au riz, c'est marron clair, quand même. Oui, mais peut-être que c'était un coup de communication. Moi, j'apprécie le raccord. Aussi, hein. Oui, voilà. Moi, je trouve que ça ressemble aussi à la tarte au riz. Ah, ça, on dirait une tarte au riz sans tache. Ouais. On ne pas qu'il y a un air, quand même, dans la cravate. Ah oui, complètement. Et donc, petit conseil, s'il a envie donc, de garder ses cheveux comme ça, je lui conseille vraiment d'acheter une paire de lunettes avec des angles très marqués, donc avec des angles avec une paire de lunettes rectangulaires. Voilà. Le seul mec qui donne des conseils de coiffure à des gens chauves. Ensuite, non, si, j'avais si, dit quand on a si, le visage rond si, et qu'on a des cheveux, on structure. Si. Et si on n'en a pas, on ne fait rien. Et ben voilà. Et demain, vous relookerez ceux qui n'ont plus de dents en donnant des conseils de brossage de dents. Ça n'a pas de sens. Vous êtes mauvais. Le nouveau présentateur du JT s'appelle donc Laurent Mathieu. Il intègre la bande des présentateurs RTBF. C'est un petit jeuneau. Donc, Laurent Mathieu, il a 31 ans. Comme je vous dis, moi, j'ai été voir ses photos donc, quand il est en reportage. Et il est très gasoual. Donc, dans le sens. Non, non, non. Gasoual. Casual, c'est un chic décontracté et donc avec des grosses écharpes et tout ça. Un petit côté aventuré, ça lui va très très bien. Maintenant, comme il est dans la partie, on va dire, plus studio, ça ne le fait pas. Et donc, je vais lui conseiller de faire une coupe de cheveux un petit peu moins la romaine. Donc, il met les cheveux plus en avant. Donc, ce serait bien qu'il ait des structures un petit peu, garder son côté un petit peu plus classique et surtout, changer de fond de teint. Parce que j'ai remarqué que le fond de teint était toujours un petit peu jaune alors qu'il a une teinte un peu rosée. Il est dans les couleurs froides et donc ce serait bien de trouver un fond de teint avec une petite pointe de rose mais pas une petite pointe de jaune à l'intérieur. Prenons deux secondes là-dessus. Donc comment je détermine ma couleur de peau et le fond de teint qu'il me faudrait? Alors vous connaissez donc le fond de teint, vous l'utilisez. Faisons-le sur Sarah. Alors un exemple d'une petite ménagère de moins de 50 ans. Sarah est fatiguée. On essaie toujours le fond de teint au niveau des maxillaires. Donc on l'applique sur la maxillaire et on descend dans le cou. Si vous voyez absolument, si vous ne le voyez absolument pas, c'est que c'est un bon fond de teint. Si vous voyez une différence de couleur, eh bien systématiquement vous ne le prenez pas. On réchauffe toujours un côté un petit peu brun avec une poudre, mais on ne met jamais un fond de teint plus foncé que la couleur c'est de sa peau. C'est limpide pour vous ? C'est une base pour masquer en fait. C'est une base pour masquer, mais un fond de teint, celui-là est un petit peu trop jaune. Si on est un peu pâle comme Jérôme par exemple. Alors si on est pâle, que peut-on faire pour l'aider ? Si on est pâle comme Jérôme, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on prend un fond de teint avec une petite pointe de rosée à l'intérieur. Donc ici il a oublié de mettre sur son au milieu du front là ici. Il a je m'inquiète, vous avez l'air malade, rose. Ça me saute aux yeux. Et donc on met une petite poudre mat brune et on peut faire le contour du visage, ça s'appelle un contouring, ça ne se voit pas nécessairement et en même temps ça apporte de la chaleur au visage. Ok, David, on termine par le couple mythique séparé, Brad et Angelina Jolie, c'est pas un relou qu'on vous demande mais simplement en 20 secondes, votre regard sur ce couple qui n'est plus en alors, 20 secondes. Brad Pitt donc 52 ans, Angelina Jolie 41, et moi je trouve que c'est bien qu'ils se soient séparés, pourquoi? Parce que Angelina Jolie était resplendissante et lui était éteint complètement et donc je pense, j'ai envie de revoir Brad Pitt sexy et coloré. Ouais, eh bien, puisque cette union ne vous convenait pas... Voilà, ils ont eu raison, bravo. Voilà, car David Jean Motte fait et défait les couples de ce pays. Gare à vous, gare à toi Blanchette, gare à toi fond de teint. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clous, ça va une heure, mais une semaine, là, je peux plus, j'en ai plein les palmes, rat tout ballon. Toi, tu restes si tu veux, mais moi, je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, l'Engie Electrabel. J'espère que vous aurez profité de cette leçon de coiffure pour gens souffrant de calvitie, Denis. Eh oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les fonds de gorge râpeux? Non, je veux pas savoir. Il je a ne veux tout, pas savoir. Car il est médecin également. Je vous l'envoie dès la fin de la météo. Merci à toi, ô marabout. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, il fait frais ce matin, mais il va faire plus doux cet après-midi avec du soleil, bien sûr, qui nous revient. On a des voiles nuageux déjà sur l'ouest du pays. Le ciel deviendra un petit peu laiteux. Et progressivement, eh bien, ce temps calme et sec nous amènera des températures de 17 à 22 degrés. Même température pour demain avec un ciel cette fois plus nuageux. On a en fait quelques gouttes possibles demain, mais pas grand chose. Le week-end, lui, sera déjà plus agréable, notamment samedi, avec de larges éclaircies et de 19 à 22 degrés. Viva 9h. Journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'était donc il y a 6 mois, la terreur envahissait Bruxelles. La capitale frappait en plein cœur, 2 explosions à l'aéroport de Bruxelles, 1 un peu plus tard dans le métro. 6 mois après, les souvenirs sont intacts, mais pour la grande majorité des usagers du métro, comme Mathieu, la vie continue.